Bonjour amis Bélier ou ascendant Bélier, bienvenue dans votre tirage de l'oracle de Béline concernant vos amours au mois de janvier 2025. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'ai l'impression, tout d'abord, on va prendre les trois cas de figure. Si vous êtes en couple et que tout va bien, eh bien, on voit que malgré tout, vous allez peut-être être davantage, vous allez avoir envie davantage de passion, commencer l'année avec davantage de démonstrations affectives et vous risquez de ne pas recevoir autant que vous le voudriez, ce qui peut apporter une mise au point importante. Le conseil, c'est de faire une mise au point importante plutôt que de vous éloigner de votre conjoint, conjointe, eh bien, il y a une mise au point importante à faire sur ce qui vous fait mal, ce qui ne vous convient pas, afin de rééquilibrer les énergies d'amour entre vous. Alors, si vous êtes en couple et que ça n'allait pas, faites attention parce que à la rentrée, justement, en janvier 2025, eh bien, vous risquez d'avoir. La patience, c'est les cœurs blessés aussi. Et donc, comme elle est avec une mauvaise carte à côté, eh bien, les sentiments vont s'exacerber et vos manques vont s'exacerber également. Et donc, vous risquez à la rentrée, du coup, eh bien, la séparation. Mais l'amour est peut-être encore, si vous êtes encore attaché à cette personne, c'est un peu comme pour la première version, une mise au point est toujours possible. Mais faites attention parce que ici, ça risque d'être vraiment un chapitre important de votre relation si ça n'allait pas entre vous, parce qu'il est possible qu'un choix soit fait aussi par votre partenaire et que malgré tout, il y ait un risque de rupture. Alors, si vous êtes célibataire, eh bien voilà, comme vous le voyez ici, moi j'ai l'impression qu'il y a deux personnes en jeu. Vous pourriez avoir un coup de cœur pour une personne et en même temps, il y a peut-être une autre personne en jeu de qui vous ne recevez rien, vous n'avez pas de nouvelles, vous ne recevez pas suffisamment, vous vous tournez autour, mais finalement, il n'y a rien. Donc, le conseil, c'est de faire un choix une bonne fois pour toutes, de vous séparer, de vous éloigner de la personne qui ne vous donne rien, même si vous en attendiez beaucoup, et de faire un choix et d'aller vers l'amour qui vous est offert par cette nouvelle rencontre. En tout cas, je vous souhaite un beau mois de janvier. Bonjour amis taureaux ou ascendant taureau, bienvenue dans votre tirage amour de l'oracle de Béline concernant donc vos amours au mois de janvier 2025. Alors, voilà ce que j'ai tiré pour vous. Donc, au départ, vous avez la destinée. Donc, si vous êtes en couple, on voit que vous avez les clés en main pour résoudre tout problème éventuel et que vous êtes à un moment important de votre relation. Maintenant, en contre, il y a des ennemis déclarés, puisque j'ai retiré dessus les nouvelles. Donc, apparemment, il va y avoir peut-être des personnes qui vont s'attaquer à votre couple. Il y aura de la méchanceté, il y aura peut-être des jalousies surtout, et vous allez l'apprendre. Cela, bon, évidemment, pourrait vous déstabiliser, mais si tout allait bien dans votre couple, et même si ça n'allait pas, eh bien le conseil, il est où? Il indique ici que vous ne devez pas écouter les esprits malsains, les jaloux, et que vous devez vraiment vous concentrer pour sauvegarder, vous avez vraiment la clé en main pour sauvegarder l'authenticité de votre union et l'amour entre vous, bien sûr. Eh bien, vous devez vous baser sur vos expériences passées, votre maturité, mais également, quel que soit votre âge, hein, on peut avoir de la maturité à tout âge, mais également sur justement tout ce que vous avez pu vivre ensemble et qui vous a uni. Donc concentrez-vous sur ce qui vous a rassemblé pour le retrouver et éviter de déséquilibrer votre couple à cause de personnes malveillantes. Maintenant, si vous êtes célibataire, eh bien, apparemment, vous allez devoir justement, vous êtes à une période importante, la rentrée va être importante pour vous, pour votre vie sentimentale en tout cas, et cela indique que contre vous, il y a des nouvelles d'une personne qui ne vous convient pas. Donc, le conseil, c'est de vous baser, voilà, sur les expériences que vous avez pu avoir pour ne pas retomber sur les mêmes schémas et courir de nouveau dans les bras de quelqu'un qui vous a été nuisible nocif, on va dire plutôt, dans le passé, ou en tout cas quelqu'un, le même type de personne qui ne vous convient pas, qui vous attire, mais qui au final ne vous convient pas. Donc n'oubliez pas, basez-vous sur vos expériences et tout ira bien, vous avez la clé en main. En tout cas, un bon mois de janvier. Bonjour amis Gémeaux ou ascendant Gémeaux, bienvenue dans votre tirage de l'oracle de Béline concernant vos amours pour le mois de janvier 2025. Alors, voilà ce que j'ai tiré pour vous. En pour, vous avez la passion. En contre, la carte bleue qui indique qu'il n'y a rien contre vous, en tout cas contre vos amours à la rentrée. Et voilà, trafic et élévation, j'ai retiré une carte sur le trafic parce que on a toujours besoin sur le trafic de savoir dans quel sens ça tourne, cette carte. Et l'élévation, c'est une très bonne carte. Alors, on y va. Donc, pour les couples, eh bien, vous pouvez le voir, en pour, vous allez avoir un regain de passion à la rentrée. Et comme il n'y a rien en contre, eh bien, vraiment, vous allez avoir une énergie positive, épanouissante, qui va vous réunir, qui va vous donner envie d'être à nouveau, peut-être dans une relation plus intense avec votre partenaire. Et le résultat, ou le conseil en tout cas, eh bien, c'est qu'il y a une très bonne, une amélioration de la communication entre vous. Donc si ça n'allait pas entre vous, eh bien, vous pouvez le voir, c'est un tirage de pleine réconciliation grâce à des explications qui vont faire évoluer de manière vraiment importante votre relation. Maintenant, si vous êtes célibataire, eh bien, il est possible qu'il y ait une rencontre importante pour vous, un coup de foudre, vraiment, qui va vous donner confiance en vous et avec une personne avec qui vous allez être connecté au niveau de la pensée, au niveau des échanges intellectuels. Et il y aura de belles discussions. C'est une personne qui va vous faire pas mal évoluer. Et je dirais que même pour certains, spirituels, vous allez sentir que il y a vraiment une connexion entre vous et que vous pouvez l'un et l'autre vous faire évoluer. Donc de toute façon, suivez votre cœur au mois de janvier, voilà le conseil, c'est très positif. Alors passez un bon mois, une bonne rentrée. Bonjour amis Cancer ou ascendant Cancer, bienvenue dans votre tirage de l'oracle de Béline concernant vos amours pour le mois de janvier 2025. Alors voilà ce que j'ai tiré pour vous. Au départ, j'ai eu la nouvelle en pour, en contre l'infortune et en résultat les plaisirs. La nouvelle, il faut toujours retirer une carte dessus pour savoir si c'est positif ou négatif. J'ai retiré la destinée. Donc c'est très important. En pour, apparemment, donc si vous êtes en couple, vous allez avoir une nouvelle très très importante puisque la clé parle d'importance, une nouvelle peut-être qui va débloquer une situation, puisqu'ici il y a une issue grâce à cette nouvelle, par rapport à quoi? Au fait que vous aviez peut-être l'impression ces derniers temps d'accumuler une certaine malchance en couple et d'avoir un peu de mal peut-être à vous à avancer ensemble par rapport peut-être à des problèmes extérieurs hein, au couple. Mais du coup, cette nouvelle, elle vous ramène quoi? Elle vous ramène du plaisir, le fait de profiter de la vie, de vous deux, tout bonnement, au mois de janvier. Donc, profitez pleinement. Si votre couple n'allait pas, eh bien, comme vous le voyez ici, apparemment, c'est le moment. Vous allez peut-être que votre partenaire va davantage vous comprendre, comprendre vos attentes. Vous allez avoir l'impression que vous allez moins quémander les choses et le résultat, c'est la réconciliation. Maintenant, si vous êtes célibataire, eh bien, comme vous le voyez, il y a une possibilité de bonnes nouvelles pour vous. Peut-être une rencontre, hein, si vous voyez vraiment pas d'où ça peut venir. Maintenant, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un que vous avez remarqué, eh bien, ça peut être cette personne qui vient vers vous. Et donc, c'est peut-être à la rencontre, faites attention, le conseil, c'est de ne pas penser négativement et de ne pas imaginer que de toute façon, ayez confiance. confiance et que de toute façon les choses ne tourneront pas puisque vous êtes maudit, maudite. Ça, ce sont de fausses croyances. Hein. Il y a des moments, les choses ne vont pas bien pendant quelques années, quelques mois, quelques années pour certains, et d'un coup, ça se débloque. Et ça, c'est vrai. Donc, ayez confiance en ces bonnes nouvelles, en cette belle rencontre ou ce beau retour d'une personne qui vient à vous, et profitez pleinement des plaisirs. Soyez épicurien, épicurienne. Prenez la vie comme elle vient. Profitez de l'amour. En tout cas, je vous souhaite un beau mois de janvier. Bonjour amis, amis Lion ou ascendant Lion, bienvenue dans votre tirage de l'oracle de Béline concernant vos amours au mois de janvier 2025. Alors voilà les cartes que j'ai tirées pour vous, je n'ai pas choisi, je vous assure, et c'est un tirage excellent. Alors voilà ce qui se passe, vous avez en pour, eh bien, le hasard. Le hasard, c'est aussi la chance. C'est une carte de réussite, de succès avec Jupiter. Et donc, apparemment, vous allez avoir de la chance sur vos pas pour vous au mois de janvier. En contre, regardez, cette carte, elle augmente cette chance. Et en contre, en fait, la carte bleue, elle annihile tout côté négatif du tirage. Et comme en plus, c'est un tirage positif, eh bien, ça renforce le côté positif. Donc, apparemment, le résultat, c'est la beauté, c'est l'épanouissement de votre féminité, de votre masculinité, de votre être, tout simplement. C'est l'épanouissement de votre personne, de votre séduction. Et donc avec cette carte, eh bien, vous allez vous sentir vraiment beau, belle, épanouie dans un bien-être profond dans vos relations. Donc si vous êtes en couple, vous avez compris, c'est top. Si ça n'allait pas, eh bien tout s'arrange. Et célibataire, attendez-vous vraiment à avoir beaucoup de succès. Et dans cela, eh bien vous aurez l'embarras du choix si vous aviez envie de faire une rencontre. En tout cas, je vous souhaite un beau mois de janvier. Bonjour amis Vierge ou ascendant Vierge, bienvenue dans votre tirage de l'oracle de Béline concernant vos amours pour le mois de janvier 2025. Alors voilà ce que j'ai tiré pour vous. Je n'ai pas choisi les cartes, hein, bien sûr, parce que je vous dis ça parce que c'est quand même assez bon comme tirage, mais tant mieux, tant mieux. Alors voilà, en pour, vous avez l'amour, donc en cette rentrée 2025, vous allez être vraiment pleinement amoureux, amoureuse. Et en contre, eh bien, cette carte de la chance, du hasard, elle n'indique pas que vous aurez de la malchance. Elle indique au contraire que vous aurez des opportunités, mais que vous devez les saisir. Parce qu'en cette position, elle peut indiquer que vous risquez de rester statique et de ne pas saisir les opportunités qui vont se présenter. Donc ce serait dommage. Et le résultat, c'est le feu, c'est la jeunesse du cœur, c'est l'envie de vivre passionnément sa relation avec l'autre. C'est le fait aussi de recevoir une déclaration d'amour, que ce soit dans votre couple s'il va bien, que ce soit dans votre couple s'il n'allait pas bien, vous l'avez compris, vous avez des chances de réconciliation, mais saisissez-la si votre conjoint, conjointe vous fait des appels de phare, sinon il ne se passera rien, encore une fois. Et si vous êtes célibataire, eh bien l'amour est sur votre route, mais ne restez pas coincé dans votre coin, je dirais. Ne baissez pas les yeux, saisissez les perches qu'on vous tend, car il y a une belle relation qui peut prendre forme au mois de janvier, une relation assez passionnée et passionnante. En tout cas, je vous le souhaite et bon mois de janvier. Bonjour amis, amis Balance ou ascendant Balance, bienvenue dans votre tirage de l'oracle de Béline concernant vos amours au mois de janvier 2025. Alors voilà votre tirage. En pour, j'ai tiré la table. La table indique que vous allez avoir pas mal d'occasions de sortie en janvier, peut-être des invitations, des repas. Et cela, en tout cas, est favorable, donc ne refusez pas tout ce qui est invitation, échange en société, etc. En contre, eh bien, les présents indiquent que il ne faut pas, à cette place-là, en contre, attendre, il faut donner, accepter de donner sans attendre forcément des retours. Donc il y a beaucoup de sorties, de rencontres. Vous allez être, on vous demande d'être dans la générosité, de ne pas calculer, de ne pas attendre forcément dans vos échanges avec les autres, dans vos relations avec les autres, en retour immédiat ou nécessairement. Soyez dans l'ouverture du cœur. Dites-vous, on verra bien, et cela vous sera favorable, puisque le résultat, c'est le bonheur, c'est bon, une carte, une des plus belles cartes d'épanouissement, et vous l'avez compris, au niveau amoureux, c'est le vrai bonheur affectif qui vous attend, que vous soyez en couple ou célibataire. Ici, le tirage parle naturellement pour tout le monde. Voilà, donc pareil, si votre couple n'allait pas bien, eh bien, soyez dans cette générosité du cœur, essayez d'être davantage compréhensif, compréhensive, adaptable, tolérant, et la réconciliation sera là. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un bon mois de janvier 2025. Bonjour amis scorpions ou ascendant scorpion, bienvenue dans votre tirage de l'oracle de Béline concernant vos amours au mois de janvier 2025. Alors, si vous êtes en couple, voilà, en pour j'ai tiré la sagesse, en contre la méchanceté sur laquelle j'ai retiré la trahison et la famille, et donc en résultat l'amour et la renommée. Si vous êtes en couple, il vous est conseillé, le conseil arrive ici tout de suite, de ne pas être dans l'instinct comme vous avez souvent tendance à faire, vous les scorpions, vous êtes des personnes passionnées entières et vous réagissez au quart de tour et ce n'est pas bon ici, il ne faut pas faire ça, vous devez aller chercher au plus profond de vous votre sagesse intérieure, votre maturité, réagir avec élévation pour arranger les choses. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? Parce que votre couple risque d'être déstabilisé au mois de janvier, même s'il allait bien, un conflit. Quelqu'un va vraiment se fâcher de manière importante dans la famille. Alors c'est concernant la famille, concernant les enfants, c'est au sein, ou les parents, c'est au sein de la famille. Il y a un conflit important, il y a, si ce n'est pas une colère de votre part ou de la part de votre conjoint, bon, eh bien c'est quelqu'un qui ne sera pas bien, une mauvaise atmosphère, quelqu'un qui ne sera pas bien dans le foyer ou dans la famille, de manière un peu plus... dans le cercle familial, cela donc par rapport à tout cela, pour ne pas déséquilibrer votre couple, eh bien faites appel à votre expérience, mais à votre droiture, à ne partez surtout pas dans le stress, ne jetez pas d'huile sur le feu, voilà, parce que de toute façon vous avez des chances de sauver votre relation, vous avez des chances en fin de mois de vous aimer encore davantage, de vous réconcilier si ça allait assez mal entre vous, vous avez des chances de sauver l'amour de toute façon, et même de le crier sur tous les toits, cet amour qui est important pour vous. Peut-être même que certains d'entre vous vont en venir à une officialisation de leur relation, même si vous aviez peur en fait de l'annoncer. Alors il y a un tirage ici qui sort pour certains, c'est que certains d'entre vous, certains scorpions et scorpionnes ou ascendants, peuvent, après une période d'attente, annoncer à sa famille leur relation, leur nouvelle relation, mais ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Mais de toute façon, ce qui est important, c'est vous, c'est votre couple, votre amour qui est là et qui est sincère et durable. Si vous êtes célibataire, eh bien, pour le moment, il faut patienter. Moi, je dirais que le mois de janvier n'est pas idéal pour vous. Patientez. Parce que vous risquez d'être déçu par un cercle amical, par certaines relations que vous envisagiez peut-être. Il faut laisser tomber. Et surtout ne pas voir toutes les choses en noir, parce que vous allez avoir tendance à vous peut-être être en colère contre l'amour, contre certaines personnes. Et le résultat sera que l'amour vous attend. Et une relation même qui sera important pour vous, mais plutôt par la suite. Là, ce sera plus tard qu'en janvier. En tout cas, je vous souhaite un beau mois de janvier malgré tout. Bonjour amis Sagittaire ou ascendant Sagittaire, bienvenue dans votre tirage de l'oracle de Béline concernant vos amours au mois de janvier 2025. Alors voilà, je n'ai pas eu besoin ici de recouvrir les cartes car le tirage est assez simple, il est sorti comme cela. En pour, comme vous le voyez, alors si vous êtes en couple, eh bien en pour, vous avez les discussions, beaucoup d'échanges, une amélioration au mois de janvier de la communication. En contre, eh bien tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure dans un autre tirage, en contre, la carte du hasard, elle n'est pas très négative, elle vous indique juste que vous ne devez pas laisser passer les opportunités de vous rapprocher, les opportunités d'échange, les opportunités de discuter. Et cela vous amène à quoi ? À une belle évolution de votre relation amoureuse. Donc c'est excellent si tout allait bien dans votre couple, si ça n'allait pas, comme vous le voyez, saisissez les opportunités de discussion, répondez aux messages, parce que ça peut être des messages écrits également, SMS et puis toutes sortes de réseaux d'échanges. Donc répondez s'il vous plaît, parce que vous avez une nette possibilité de réconciliation, de rapprochement et même de belle évolution en janvier de votre relation. Et si vous êtes célibataire, eh bien vous l'avez compris, ici il y a une rencontre qui peut se produire. Donc saisissez la chance, quelqu'un vient vers vous, vient discuter avec vous et ne soyez pas trop frileux, frileuse, parce qu'il y a une belle bouillette surprise de manière favorable. Donc n'ayez pas trop d'a priori. Et gardez le cœur ouvert, vous pourriez être vraiment très étonné de la bonne évolution d'une relation, la suite d'une nouvelle rencontre avec une personne qui devrait vous rendre curieux, curieuse. Donc, bon mois de janvier en tout cas. Amis Capricorne ou ascendant Capricorne, bienvenue dans votre tirage de l'oracle de Béline concernant vos amours au mois de janvier 2025. Alors, bon, au mois de janvier, il y a beaucoup de Capricornes qui ont leur anniversaire, donc bon anniversaire à tous les Capricornes. Alors, voilà, le tirage que j'ai tiré pour vous aujourd'hui, on est à la fin décembre. Voilà ce qui se passe. Eh bien, tout d'abord, la sagesse en pour vous indique que vous avez raison d'être une personne plutôt posée en général. Vous avez tendance à analyser vos sentiments. Et ici, c'est bienvenu parce que cette sagesse intérieure, cette façon parfois un peu analytique d'explorer vos émotions, vos sentiments, eh bien elle est favorable et elle vous empêche, en tout cas au mois de janvier ici, de partir vers des débordements, une passion démesurée et de perdre le contrôle peut-être d'une situation, peut-être de perdre le contrôle de vous-même et de tout gâcher en peut-être ayant crainte de souffrir ou en voulant aller trop vite. Et donc le résultat, il est tout simple, eh bien le résultat il est fabuleux, puisqu'ici j'ai le feu, donc assez rapidement, une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire, j'ai une belle réconciliation et un nouveau cycle pour votre couple si ça n'allait pas entre vous, j'ai une augmentation de vos rapports, vous allez passer à la puissance supérieure si tout allait bien dans votre union. Alors encore une fois, n'oubliez pas, on évite d'être pressé, on évite de croire que voilà, que d'avoir peur en fait de l'avenir, on évite de ressasser ce qui n'allait pas et voilà, contrôle de vous-même, réflexion sur ce que vous avez déjà vécu, sur comment vous analysez vos sentiments, sur comment vous vivez l'amour, et cette attitude assez équilibré va vous permettre de triompher et d'être pleinement heureux en amour en janvier 2025. Donc en tout cas je vous souhaite un beau mois de janvier. Bonjour amis Verseau ou ascendant Verseau, bienvenue dans votre tirage de l'oracle de Béline concernant le mois de janvier 2025 pour vos amours. Et donc voilà les cartes que j'ai tirées pour vous. Vous avez en pour donc l'intelligence, en compte le changement et le résultat c'est l'union. Alors cela indique ici que l'intelligence elle vous conseille. Donc si vous êtes en couple, elle vous conseille de faire appel à une analyse logique, une certaine méthode, à un raisonnement, peut-être de ne pas trop écouter votre cœur, ce qui est bizarre en amour, mais en tout cas de raisonner par rapport à peut-être des changements que vous avez du mal à envisager, que l'autre vous demande, peut-être que votre partenaire a besoin de certains changements et que vous avez du mal à la suivre. Et donc, par rapport à cela, réfléchissez bien, parce que ça peut vraiment vous rapprocher et équilibrer votre relation pleinement, la rendre encore plus solide. Si votre couple n'allait pas bien, bah c'est encore plus important ici. Prenez du recul, isolez-vous, notez, faites des colonnes, notez le pour, le contre de votre relation. Réfléchissez à cette histoire de changement. Qu'est-ce qui vous bloque? Est-ce vous qui avez besoin de changement? Est-ce l'autre? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord sur les changements à apporter? Tout cela, bien sûr, à vous de réfléchir à tout cela, puisque ça dépend de la personne Verseau que vous êtes, hein. Vous êtes nombreux, donc je ne peux pas donner tous les cas de figure, mais essayez de comprendre ces symboles et sachez que si ça n'allait plus entre vous, eh bien, pourtant votre couple est solide et qu'il y a moyen de le sauver. Maintenant, si vous êtes célibataire, eh bien, cette carte de l'intelligence, pareil, vous demande de faire des choix. C'est la carte du choix ici aussi, de choix dans vos relations ou dans vos aspirations affectives afin de débloquer, en fait, de débloquer les choses et de pouvoir commencer une union solide, stable, qui vous attend et qui n'est pas loin. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de janvier. Amis poissons ou ascendants poissons, bonjour, bienvenue dans votre oracle de Béline concernant vos amours au mois de janvier 2025. Alors voilà ce que j'ai tiré pour vous. Donc, si vous êtes en couple, vous avez la nouvelle sur laquelle j'ai retiré la paix, les ennemis et l'eau, et en résultat, le plaisir. Ici, donc, les ennemis et l'eau sont en place des cartes qui sont contre vous. Alors, en pour, il y a une bonne nouvelle, vous l'avez compris, qui va vous apaiser. Par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à une mauvaise ambiance, par rapport à des choses peut-être qui... Ici, les choses sont diffuses avec l'eau. Il peut y avoir des ennemis intérieurs, des ennemis dans votre couple, des jalousies, l'attente et une mauvaise ambiance dans l'air. Et heureusement, eh bien, vous allez apprendre quelque chose qui va vous apaiser par rapport à cela, vous rassurer, je dirais même, et donc vous allez revenir à un plaisir, à l'épanouissement de votre couple, et vous allez pouvoir à nouveau vous relâcher et vous laisser aller au plaisir de votre union. Voilà, donc si votre couple allait bien, eh bien, tout simplement, il y a une possibilité aussi, une autre lecture de ce jeu qui indique que peut-être que des bonnes nouvelles vont vous apaiser et vont améliorer, du coup, vous allez être plus détendu là au mois de janvier, et donc vous allez être peut-être plus ouvert à la sensualité, à la sexualité pour certains. Poissons qui n'étaient plus trop tournés vers cela à cause de tracas dernièrement. Et donc là, on est dans le rapprochement, l'épanouissement à ce niveau-là, grâce à une peut-être de meilleures nouvelles dans l'existence qui vous détend en fait et qui vous fait partir vers des petites choses plus coquines entre vous et qui vous feront du bien. Et maintenant, si vous êtes célibataire, eh bien, une nouvelle apaisante va vous permettre de conquérir. Alors moi, j'ai plutôt des aventures ici, peut-être une aventure hein, au mois de janvier, une aventure au départ. Pourquoi pas? Pourquoi vous allez ressentir en fait que il y a une personne sur qui vous comptiez qui ne vous convient pas, qui s'éloigne, et donc cela va vous permettre de respirer. Vous allez vous sentir libéré d'une personne nocive dans vos relations affectives, et du coup vous allez être à nouveau libre d'aimer qui vous voulez, comme vous l'entendez, et ça va vous faire beaucoup de bien. Donc n'hésitez pas. Et foncez vers l'idylle ou les idylles qui vous sont proposées. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un beau mois de janvier.